Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. De la création du monde. Deux systèmes en présence, celui de Moïse, celui de Darwin, un aperçu de chacun de ces systèmes, ils seront soumis au contrôle de la science. Pourquoi nous commençons par celui de Moïse? Notre travail divisé en deux parties. Les considérations qui précédaient étaient, tout à la fois, la préface obligée de notre réfutation du darwinisme, et une sorte de déblaiement du terrain de la lutte. Nous voici donc maintenant en mesure d'entrer dans le cœur même du débat. Deux systèmes sont en présence, celui de Moïse et celui de Darwin. Dans le système de Moïse, Dieu de rien n'a créé la matière. Il a créé de même tous les êtres vivants avec des caractères propres et distincts, lesquels se sont maintenus intacts jusqu'à nos jours. Enfin, il a fait de l'homme l'objet d'une création à part, et même l'a façonné à son image. Dans le système de Darwin, la matière n'a pas eu besoin d'être créée, car elle est éternelle. Les êtres vivants ne sont point sortis tout formés des mains du Créateur, mais se sont développés par génération spontanée, et, loin de rester fidèles à un type primitif, ils ont subi sans cesse de nouvelles transformations. Enfin, l'homme a été si peu créé à l'image de Dieu qu'il n'est que la résultante d'une série de métamorphoses dont le principal facteur est le singe. Tel est le système que Darwin oppose à celui de Moïse. Or, ces deux systèmes ne représentent pas seulement l'opinion de deux hommes, ils ont une portée tout autre, en ce que Moïse est l'interprète des idées de l'Antiquité tout entière, et Darwin l'interprète des idées de l'athéisme et du matérialisme moderne. Par conséquent, un abîme les sépare. Il ne faut donc pas songer à les concilier. Mieux vaut les opposer l'un à l'autre et les soumettre successivement au contrôle de la science. Nous commencerons nécessairement par celui de Moïse, car, si nous n'en connaissions pas tout d'abord les points essentiels, comment savoir ensuite ce qu'il faut relever dans le système de Darwin que nous avons dit en être la contrepartie? Il va donc nous falloir reprendre un à un les divers temps de la relation biblique, et reconstituer morceau par morceau l'œuvre des six jours. On voit tout de suite quelle devra être la conséquence de ce travail. Si nous prouvons que la vie n'a point existé de tout temps sur le globe, et que son apparition n'a pu être le produit de la force plastique de la matière, nous aurons mis à néant l'une des deux grandes propositions de Darwin, la génération spontanée. Si ensuite nous démontrons que les diverses espèces animales ont été l'objet de créations spéciales et successives, et que chaque espèce est restée complètement indépendante de celle qui l'a précédée ou suivie, nous aurons de même mis à néant la seconde grande proposition de Darwin, le transformisme. Il ne restera donc rien de tout le système. Oui, mais ce n'est pas assez de prouver que Moïse a raison, il faut démontrer de plus en quoi Darwin a tort, car son système n'est pas une simple négation de celui de Moïse, il repose sur des bases et des doctrines à part. D'où la nécessité, ainsi que nous l'avons dit, de le soumettre également au contrôle de la science. Notre travail se trouvera de la sorte divisé en deux parties bien distinctes. Dans la première, nous exposerons la création d'après Moïse, dans la seconde la création d'après Darwin. La création d'après Moïse. Moïse historien. Moïse est moins un analyste qu'un pontife, son style, sa position vis-à-vis de la critique humaine. Inconvénient pour lui d'avoir eu trop tôt raison, sa manière naturelle de raconter les événements extraordinaires, comment l'expliquer? Ovide. C'est donc à la Genèse, où Moïse a consigné ses récits, que nous demanderons l'histoire de l'origine du monde et des premiers âges de l'humanité. Seulement, il nous paraît essentiel de dire tout d'abord quelques mots de Moïse lui-même, envisagé comme historien. On se ferait une fausse idée de la Genèse, si on se la représentait comme une sorte de traité didactique, semblable à ceux qui ont cours dans nos écoles, et où l'auteur a toujours plus ou moins en vue le triomphe d'une doctrine. Non, Moïse n'est point un analyste dans le sens absolu du mot, c'est un pontife, un patriarche, écrivant pour tout un peuple dont il est le chef et dont il veut à la fois former l'esprit et le cœur. Chez lui, point de plan concerté, point de formule scientifique rigoureuse. Il a voulu seulement établir que Dieu est le créateur et l'ordonnateur de tout ce qui existe, et, pour se mettre à la portée de tous, il s'est exprimé dans un langage populaire et figuré où il le montre commandant à l'univers, comme un maître commande à ses serviteurs. Le style de la Genèse est de même son cachet à part. Sublime dans sa simplicité et sa concision, il ne renferme que les formes rigoureusement nécessaires pour dire que la chose a été faite, pas un mot de plus. Tout dans les expressions est idée, rien n'est artifice ou ornement. C'est moins une description qu'un sommaire de la création. Mais ce qu'il me paraît surtout essentiel de bien faire ressortir, c'est la position insolite, pour ne pas dire étrange, de Moïse devant la critique humaine. Contrairement aux autres historiens, qui ne traitent en général que d'événements effacés ou disparus, lesquels par conséquent échappent à tout contrôle sérieux, il s'est fait l'interprète de Dieu lui, même dans ses plans éternels et dans la constitution immuable de ses œuvres. On voit tout de suite quelles en seront pour lui les conséquences. Décrit-il le mode de formation du globe et l'ordre d'apparition des espèces vivantes à sa surface, mais le globe lui-même, par la disposition de ses couches et l'ordonnance de ses fossiles, renferme des archives toutes faites qui fourniront sans cesse les éléments d'une enquête à lui opposer. Raconte-t-il les grands événements arrivés aux auteurs de notre race et à notre race elle-même, mais il se donne ainsi, dans chaque homme des générations actuelles et futures, un surveillant qui, à tout moment, pourra venir contrôler ses paroles. Si donc il s'est trompé, ce seront là autant de témoins qui deviendront ses accusateurs. Mais il y a plus. Admettons que ces récits soient exacts, il pourra se faire que cette exactitude même devienne l'occasion et le prétexte de critiques d'un autre genre. Ainsi, telle vérité énoncée par Moïse, qui devait un jour être acceptée comme un progrès, n'aura trouvé tout d'abord qu'incrédulité et dédain, parce qu'elle sera venue avant l'heure où les esprits étaient aptes à la recevoir. C'est que, pour en arriver à cette notion positive des choses qui distingue si éminemment notre époque, l'esprit humain a longtemps tâtonné au seuil de chaque science, se payant d'hypothèses qu'il prenait pour des réalités. Ai-je donc eu tort de dire que Moïse, comme historien, se trouve dans une position tout à fait exceptionnelle devant la critique humaine? Or, notez que rien dans son langage n'indique le moindre effort pour convaincre, ni la moindre appréhension de ne pas être cru. Il raconte, au contraire, Du ton le plus simple et le plus naturel, les événements les plus extraordinaires. C'est qu'il a pour lui l'opinion publique, personne n'étant tenté de le contredire, puisque les événements qu'il relate vivaient encore, ne fût-ce qu'à titre d'écho, dans la mémoire de tous. Ils y vivaient si bien que le paganisme lui-même, quoiqu'il eût perdu jusqu'à la notion du vrai Dieu, avait conservé intacte et comme absolument véridique l'histoire de la création telle qu'elle est consignée dans la Bible. Si en effet la Bible a sa genèse, le paganisme a la sienne, et, de même que l'auteur de la première est Moïse, de même l'auteur de la seconde est Ovide. Ainsi Ovide, résumant les opinions et les croyances de son époque, a consacré le premier chapitre de son livre des Métamorphoses à la description non seulement de la création de l'univers, mais du paradis terrestre et même du déluge. Or, cette description, comme nous allons le voir, est conçue dans des termes tels qu'on l'a dirait copiée sur celle de Moïse. Moïse et Ovide. Moïse en regard d'Ovide, l'heure de récit de la création, le chaos, Dieu crée le ciel et la terre, les mers, les plantes, les reptiles, les oiseaux, puis l'homme. Description du paradis terrestre et de l'âge d'or. Le déluge, inondation de la terre, un couple épargné, retrait des eaux, montagne où s'arrêta l'arche. Mettons en regard l'un de l'autre le récit de Moïse et celui d'Ovide. On jugera mieux de la sorte de la parfaite conformité des deux textes. La création. Moïse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Ovide, avant la mer, la terre et le ciel, voûte de l'univers, la nature tout entière n'offrait qu'un aspect uniforme, appelé chaos, masse grossière et composée d'éléments indigestes. Le soleil ne prêtait point encore sa lumière au monde, et la terre n'était point suspendue dans l'atmosphère, équilibrée par son propre poids. Ne dirait-on pas, en lisant ce beau passage, que les anciens avaient déjà quelque idée des lois de la gravitation. Moïse, Dieu dit, que le firmament soit fait au milieu des eaux, et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament d'avec celles qui étaient au-dessus. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel. Ovide, Dieu sépara la terre du ciel, l'eau de la terre, et l'air le plus pur de l'air le plus grossier, et, quand il eut marqué ainsi sa place à chaque élément, il établit entre eux les lois d'une immuable harmonie. Moïse, Dieu dit, que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un lieu et que l'élément aride paraisse. Il donna à l'élément aride le nom de terre, et appela mer toutes les eaux rassemblées. Ovide, après que Dieu, quel qu'il fût eût ainsi opéré le partage de la matière, il façonna la terre encore inégale et l'arrondit en un globe immense, puis à sa voix les mers prirent leur cours. Moïse, Dieu dit, que la terre produise de l'herbe verte qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent des fruits, chacun selon son espèce. Ovide, Dieu aplanit les campagnes, abaissa les vallées, couvrit les forêts de feuillage, éleva les montagnes et les couronna de rochers. Moïse, Dieu dit aussi, que des corps lumineux soient faits dans le firmament, afin qu'ils séparent les jours d'avec les nuits, et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les saisons, les jours et les années. Ovide, dès que l'auteur de la nature eut réglé les limites qui devaient servir de barrière aux différents corps, les astres, ensevelis auparavant dans la nuit du chaos, commencèrent à briller dans toute l'étendue du ciel. Moïse, Dieu dit encore, que les eaux produisent des animaux reptiles, qui nagent dans l'eau, et des oiseaux qui volent sous le firmament du ciel. Ovide, les eaux se peuplent de poissons aux brillantes écailles, la terre de bêtes fauves et l'air d'oiseaux qui le battent de leurs ailes. Moïse, enfin Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes et à toute la nature. Et il le forma du limon de la terre et répandit sur son visage un souffle de vie. Ovide, un animal plus noble, doué d'une raison plus élevée, et fait pour commander aux autres, manquait encore. L'homme naquit. Le fils de Japhet détrempa avec de l'eau de l'argile terrestre, et le façonna à l'image des dieux, arbitre de l'univers. Voilà donc la création terminée. Notons ce dernier passage comme un aux deux historiens. L'homme fut façonné à l'image de la divinité. Nous aurons plus tard à y revenir. Vient ensuite la description du paradis terrestre par Moïse, et celle de l'âge d'or par Ovide, également dans les mêmes termes, puis enfin le récit du déluge dans des termes non moins identiques, ainsi que va le prouver de nouveau la comparaison des deux textes. Le déluge. Moïse, Dieu, voyant que la malice des hommes était extrême, et que toutes les pensées de leur cœur étaient appliquées au mal, se repentit d'avoir fait l'homme. « J'exterminerai, dit-il, de dessus la terre l'homme que j'ai créé. J'exterminerai tout jusqu'aux animaux, depuis ceux qui rampent sur la terre jusqu'aux oiseaux du ciel. » Ovide, du haut de son céleste palais, le sublime architecte voit les crimes de la terre. Il gémit et dit, « Je n'aperçois aujourd'hui que des coupables, et c'est le genre humain qu'il me faut perdre tout entier. J'en ai porté l'arrêt irrévocable. » Moïse, toutes les sources du grand abîme des eaux furent rompues et les cataractes du ciel s'entr'ouvrirent. Les eaux crurent et grossirent prodigieusement au-dessus de la terre, et toutes les plus hautes montagnes furent couvertes. Toutes les créatures qui étaient sur la terre, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, tant celles qui rampent que celles qui volent, dans l'air, tout périt. Ovide, les eaux se répandirent de toutes les parties du ciel en torrents sur la terre. Les fleuves, forçant les barrières qui les retenaient, précipitèrent vers la mer leur course impétueuse, entraînant ensemble les plantes et les arbres, les troupeaux et les hommes, les maisons et les sanctuaires des dieux. Si quelque édifice reste encore debout, l'onde en recouvre le faîte et, pour la première fois, les sommets des montagnes sont battus par les vagues. Moïse, mais Noé trouva grâce devant Dieu, Noé fut un homme juste et parfait, au milieu des hommes de son temps, il marcha avec Dieu. Ovide, un couple fut épargné, couple innocent et pieux, jamais homme n'eut plus de zèle pour la vertu et pour la justice que Deucalion, jamais femme n'eut plus de respect pour les dieux que Pyrrha. Moïse, Dieu s'étant souvenu de Noé, fit souffler un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à diminuer, les sources de l'abîme furent fermées, aussi bien que les cataractes du ciel, les pluies furent arrêtées et les eaux, étant agitées de côté et d'autre, se retirèrent et commencèrent à diminuer, et l'arche se reposa sur les montagnes d'Arménie. Ovide, quand Jupiter a vu le monde changer en une vaste mer, il écarte les nuages, ordonne à l'Aquilon de les dissiper et découvre la terre au ciel et le ciel à la terre. Entre l'Attique et la Béotie se trouve la Phocide, là s'élève un monde dont la double cime se perd au sein des nues. Le Parnasse est son nom, C'est sur cette montagne que s'arrêta la barque qui portait de Calion et sa compagne. Mais restons-en là de ces citations. Elles prouvent surabondamment qu'à part quelques détails insignifiants, l'auteur sacré et l'auteur profane ont raconté les mêmes faits dans les mêmes termes et dans le même ordre où ils se sont succédés. Si je m'y suis étendu un peu longuement, c'est que je crois être le premier qui ait signalé cette étrange coïncidence ou du moins qui l'ait fait nettement ressortir. Laissons maintenant Ovide de côté, et abordons l'étude analytique du récit de Moïse dont nous venons d'esquisser le texte. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.